Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radioactive dans une nouvelle édition du MAG. Alors aujourd'hui, direction Tours où se déroule actuellement un événement unique en son genre, baptisé Éco-Gourmand. Pour découvrir les coulisses de ce projet inspirant, on accueille aujourd'hui deux invités, Solène Descogniers-Michel. Alors Solène, elle fait partie de Trait d'Union et Point Virgule, elle va nous expliquer son rôle précisément et ce que c'est que Trait d'Union et Point Virgule. Bonjour Solène. Bonjour. Et puis à ses côtés, Inès Richer, qui est elle de l'association du collectif d'artistes Arts Multiples. Bonjour Inès. Bonjour. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que Trait d'Union et Point Virgule Solène? Alors c'est une structure que j'ai fondée en 2023, qui est basée à Tours et qui vise à créer, coordonner et mettre en œuvre des projets artistiques et culturels plutôt pluridisciplinaires et dans la durée. Auprès de publics dits empêchés ou éloignés de la culture. C'est une sorte de point d'appui à la vie culturelle ? Oui, on peut dire ça, effectivement. Ce n'est pas l'expression que j'utilise habituellement. Mais... Studio d'ingénierie culturelle, moi j'ai trouvé notamment... Oui, c'est de la création de projets. Je peux, par exemple, accompagner différentes structures comme les collectivités ou des associations comme Arts Multiples à développer des projets vraiment spécifiques. D'accord. À destination de publics spécifiques. Ces structures n'ont pas toujours effectivement le temps ou le savoir-faire, effectivement, pour mener à bien les projets qu'ils souhaitent. Donc, je suis là pour les aider. Donc, dans ces cas-là, on appelle Solène. Inès, alors, c'est quoi votre fonction à Arts Multiples ? Alors, moi, je suis attachée de développement de projets culturels et de diffusion. Donc, il y a cet aspect un peu comme Solène où mon rôle, ça va être d'aller chercher des partenaires ou alors parfois, c'est des partenaires qui nous sollicitent pour monter des projets pour leur public, comme on le fait avec Éco-Gourmand. Mais c'est vrai qu'on travaille souvent avec des centres sociaux, avec EHPAD, écoles. Et en fait, le collectif, l'association pour laquelle je travaille, donc Arts Multiples, c'est un collectif d'artistes pluridisciplinaires. C'est ce qui a fait un peu sa force. On a différents types d'artistes. On a beaucoup de musiciens, une danseuse, deux plasticiennes, une écrivaine, photographe. Et voilà, c'est des artistes en fait, qui sont réunis pour s'entraider et qui avaient cette envie commune de créer des projets. Et voilà, donc on essaie de créer des projets tous ensemble. Il y a aussi une grosse force bénévole qui nous aide au sein de l'association. Et après, il y a le volet plus diffusion, où là, je vais être un peu plus amenée à avoir, on va dire, un rôle de commercial. On appelle ça du booking, où on cherche, en fait, des dates pour les Mais artistes. Oui. Le côté un peu plus ingrat. Je la vois venir à la fin de l'émission. Est-ce que tu pourrais pas me passer ce truc-là en radio ? S'il vous plaît. Et donc, vous êtes basée Arts Multiples aux Fontaines. Voilà, nous, on est sur le quartier des Fontaines. Ça va faire maintenant bientôt 2 ans. D'accord. Et on s'est installé là pas pour rien. On essaye du coup de développer des projets spécifiquement en partie pour les habitants des Fontaines. Voilà. Donc d'accord. On travaille en lien beaucoup avec le centre social qui est présent sur le projet Éco-Gourmand, au même titre que l'EHPAD ou l'école. Alors justement, vous unissez vos forces actuellement pour mener un gros projet. C'est beaucoup de boulot, hein. On en discutait un petit peu avant de prendre l'antenne, mais c'est un gros boulot sur lequel vous êtes mobilisés depuis plusieurs mois. Ce projet s'appelle Éco-Gourmand. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet et comment cette idée elle est née ? Solène. En fait, on s'est rencontrés au printemps et en fait, on avait des valeurs et des envies communes. Arts Multiples a déjà mis en place un projet avec l'EHPAD et l'école l'année dernière, un projet musical, Souvenir Express, et souhaitait potentiellement réitérer l'expérience. Et c'est vrai que moi, de mon côté, avec Trait d'Union et Point Virgule, je recherchais une structure pour travailler en collaboration parce que j'aime beaucoup travailler en équipe. Et puis, j'avais éventuellement l'idée de travailler sur la thématique cuisine et musique. Et il s'est trouvé que parallèlement à tout ça, dans le collectif, il y avait Inka, qui est tout donc, à fait dans ce registre. Inka, donc, qui est un artiste, effectivement, du collectif et qui a vraiment... Je vais peut-être te laisser en parler, Inès. Je pense que c'est toi la mieux placée pour en parler. Alors oui, Inka, c'est un artiste multi-instrumentiste. Mmh. Son instrument favori, on va dire, de prédilection, c'est vraiment le saxophone. Mais il touche un peu tout type d'instrument avant. Et il nous saupoudre ça avec un petit peu de musique électro-acoustique. C'est vrai que dans ses recherches, quand il a construit son projet, il allait un peu se nourrir de différentes cultures. Et c'est vrai que dans ses musiques, on entend souvent des influences qui vont venir d'Amérique du Sud ou bien d'Afrique du Nord. Donc ça nous invite vraiment en voyage. Et donc quand on a voulu faire le projet cuisine et musique, ça a pu rajouter un peu cette dimension de on va voyager en musique et en musique. Dans l'assiette et en même temps... Voilà. Dans les oreilles. Dans les oreilles. Et alors il y a le côté intergénérationnel parce que voilà, il y a déjà eu un projet de ce type l'an dernier. On n'a peut-être pas précisé, c'est que c'est un mélange de public. Donc entre des enfants de CE1 et des résidents d'un EHPAD et puis aussi des habitants du quartier où là c'est une nouveauté. Voilà, en fait la dernière, comme elle avait déjà commencé à expliquer Solène, c'était vraiment un projet seulement entre l'EHPAD et l'école. C'est un projet où là les publics se sont pas forcément mixés dès le début, ils se sont rencontrés seulement à la fin du projet pour la restitution où ils ont exprimé leurs souvenirs express en musique. Donc il y avait eu un petit travail en amont pour les préparer à bien faire la représentation. Et là, cette année, on voulait vraiment que les publics soient mixés dès le début, pas qu'ils se retrouvent seulement à la fin, pour qu'il y ait vraiment des rencontres, des échanges tout au long, qu'ils viennent, qu'ils se retrouvent un peu toutes les semaines, qu'ils apprennent vraiment à se connaître. Et c'était important aussi pour nous de travailler donc, avec le centre social, pour inclure des habitants du quartier. Parce que c'est une problématique dont nous avait fait part l'EHPAD quand on avait commencé à construire le projet, c'est qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas vraiment ouverts sur le quartier et que la plupart des habitants en fait, ne savaient même pas qu'il y avait un EHPAD chez eux. Bah, c'est vrai que l'EHPAD, à part s'il y a un résident qui est de notre famille, on n'a pas tellement l'occasion de pousser les portes d'un EHPAD et d'aller voir ce qui s'y passe. On se dit pas, bah, tiens, samedi, petit bingo. Petite sortie à l'EHPAD. Petite sortie à l'EHPAD. Oui, donc là, le but à travers le projet, c'est aussi donc, de créer des relations qui iraient au-delà du projet et qui peut-être mèneraient sur des amitiés où des habitants se diraient, bah, attendez, on va aller voir Martine à l'EHPAD pour aller faire un petit jeu. Voilà. Ah, c'est absolument super. Merci. Tout à l'heure, on discutait, vous avez mentionné un fort partenariat autour de ce projet et ça vous tient à cœur de pouvoir mettre en lumière aussi les personnes qui gravitent avec vous autour de ce projet. Donc on évoquait Nicolas, on évoquait plusieurs personnes. Effectivement, dans ce projet, il n'y a pas du tout que Inès et Solène, loin de là, ni même les résidents, les élèves. Il y a aussi tous ces professionnels qui les accompagnent au quotidien. Donc on parlait de Nicolas, donc médiateur... au centre social. On a aussi effectivement Nathalie, animatrice à l'EHPAD, donc la Vallée du Cher. Siam, sa collègue de l'EHPAD également. Et puis, nous travaillons aussi beaucoup avec Frédéric, le directeur de l'école Rimbaud du quartier et la maîtresse de CE1, donc Inès. Voilà, et puis dans ce projet, nous faisons intervenir aussi, il faut le dire, la Villa Rabelais, donc la cité de la gastronomie à Tours, avec Samia, qui est chargée d'action culturelle à la bibliothèque gourmande. Et puis une association étudiante également de l'Université de Tours. Cette association, elle s'appelle AGE, ça veut dire Association de Gérontologie étudiante. C'est une association assez récente, je crois que c'est 2023 également. Et là, ce sont des étudiants de psychologie majoritairement qui se sont regroupés pour lutter contre les discriminations liées à l'âge ou tout simplement parler de bien vieillir. D'accord. Alors, ce que je vous propose, les filles, on a dessiné les contours là, du projet, mais vous allez nous expliquer plus en détail parce qu'il y a 6 étapes, nous expliquer un petit peu ce qui a déjà eu lieu, où ça en est, puis il y a évidemment tout l'aspect financement qu'on va largement évoquer dans la deuxième partie d'émission. Je vous propose qu'on fasse une pause en musique avec Tigati. Alors ça, ce sont des pistes de pause musicale que vous m'avez adressées. C'est laquelle des deux qui a choisi ça ? C'est plutôt Inès. Moi, ouais, ouais, c'est... pour du coup faire un peu découvrir et plonger les auditeurs dans le monde d'Inca. Ah, c'est Inca du coup, c'est tout Inca, ça. Oui, oui, oui, tout est lié. Le lien. Oh, et ben on écoute tout de suite et puis ben, justement ce sera la porte ouverte à l'explication en détail du projet juste après. Electro World. de retour sur l'antenne de Radioactive. Vous êtes toujours dans le mag. Aujourd'hui, on parle d'un projet qui s'appelle Éco-Gourmand, un super projet dont l'essence même, c'est l'intergénérationnel, mais c'est plein d'autres choses aussi, plein d'ingrédients, puisqu'on parle de cuisine notamment. On vient d'écouter Inca avec Tigati. Donc ça, c'était un titre choisi par Inès, conjointement avec Solène. Un titre qui nous a fait voyager, un titre où on a pu entendre les influences des sonorités musicales qu'on retrouvera au travers du projet et des différentes étapes dont vont nous parler Solène et Inès. Je rappelle que Solène est fondatrice et coordinatrice de projet pour Trait d'Union et Point Virgule, et que Inès est, elle, attachée de développement de projets culturels et de diffusion pour le collectif d'artistes d'art multiple. Ouh, c'est long tout ça. Alors les filles, ce projet Éco-Gourmand, il y a 6 étapes, 6 séances en fait. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que c'est que ces séances ? Alors, on en est vraiment au début, en sachant que ce projet a débuté peu avant Noël, dans le cadre du dispositif du CCAS de Tours, dont dépend l'EHPAD, Noël Solidaire. Ça, c'est le nom du dispositif. D'accord. Et ce projet, donc, il a démarré par un goûter-concert, voilà, juste avant Noël, pour mettre les résidents, les habitants et les élèves dans une ambiance festive, hein, on peut le dire. Et puis avec des petites spécialités aussi culinaires, un peu festives. Hein, on parle de goûter-concert, donc évidemment, il y avait les deux dimensions du projet réunies. Ça, cette étape-là, hein, c'était vraiment pour faire se rencontrer l'ensemble des participants, qu'ils commencent à faire connaissance, qu'ils fassent connaissance aussi, bien sûr, avec les intervenants. Eh oui. Inca. Vous. Nous. Nous aussi, effectivement, puisqu'on avait pu en croiser certains au moment de nos différents passages à l'EHPAD, mais voilà, pas tous. Pas forcément tous. Et c'est vrai que maintenant, je pense qu'ils nous ont bien identifiés. Oui. Ils ont surtout retenu que la maîtresse, elle s'appelait Inès et qu'il y avait une autre Inès. Et du coup, là, les enfants, ça a fait tic dans leur tête, comment il peut y avoir deux Inès dans un même monde. Mais voilà, ça fait partie des petits moments un peu rigolos du projet sur lequel on se dit, bah, c'est sympa de travailler pour ça. Donc, c'était la première étape qui a eu lieu un petit peu avant Noël, donc ce goûter-concert avec Inca. Et il y a très peu de temps, eh bien, on a eu la première séance d'activité avec les différents ateliers proposés par les différents intervenants. Tu veux peut-être en parler, Inès ? Oui, du coup, ils sont réunis. Là, on a voulu donc travailler en groupe, en mixité. Donc, on a eu 3 groupes différents. Je vais partir dans des explications un peu complexes, mais ça va être très simple. Il y a eu 3 groupes différents constitué de résidents, d'élèves et d'habitants qui ont pu participer à 2 ateliers chacun. Donc il y en a déjà qui ont commencé à travailler avec Inca autour du coup de cette fameuse chanson recette qu'ils sont en train d'élaborer. Ils ont travaillé sur le thème de l'Irlande la dernière fois, voilà. Donc ils ont commencé à voyager un peu en Irlande. Malheureusement, l'Irlande est connue pour ses temps pluvieux, donc ils ont un peu sorti différents types d'instruments comme le tuyau harmonique. Je ne sais pas si vous vous imaginez une sorte de tuyau en plastique qu'on fait tourner autour de la tête et ça fait une sorte de bruit de vent pour mettre un peu dans l'ambiance venteuse. Et pour le côté pluie, Inca a sorti une bonne vieille technique, c'est-à-dire 2 cuillères qu'on entrechoque entre la main et la jambe. Et voilà, donc c'était des petites activités un peu ludiques et pas manuelles, mais où on a invité surtout les résidents à utiliser un peu leur et pratiquer leur motricité. Donc on a été surpris qu'ils jouent le jeu et qu'ils soient capables de le faire. Donc non, c'était vraiment bien, c'était demandeur en tout cas de participer. Aussi bien les petits que les plus âgés. Les petits comme les plus âgés. Totalement. Ils se regardaient, ils s'aidaient. Les petits montraient aux plus âgés comment utiliser les instruments. Donc non, c'était super. Ça a vraiment créé des échanges. Et voilà, je ne vais pas tout dire sur les paroles, mais bon, ils ont commencé à dire quelques textes qui vont être pour le coup très rigolos. Parce qu'effectivement, il y a plein d'activités dans ce projet. Il y a le cœur du projet qui comprend ces ateliers d'écriture de chansons recettes. Mmh. Et puis à côté, il y a aussi des ateliers avec la Villa Rabelais et Age, plutôt autour de l'alimentation et du bien manger. Donc tout ça, c'est très complémentaire en fait. Et l'étape finale, ce sera en février ? Oui, c'est ça, le 28 février. Donc là, ce sera sur toute une journée avec des ateliers culinaires animé par les animatrices de l'EHPAD et Nicolas du Centre Social. Et puis l'après-midi, évidemment, on dégustera toutes les petites préparations des uns, des autres, voilà, des différents groupes. Et on écoutera les chansons recettes. Avec un petit concert privé. Privé, donc. privé. Et oui, nous en excusons d'avance, mais ce sera réservé aux participants du projet et quelques habitants du quartier. Bah oui, ça se mérite. Hein. Et oui. Très bien. Donc, il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est important, c'est l'aspect financement. Vous avez choisi de passer par un financement participatif. C'est un point clé de ce projet. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Effectivement, nous avons choisi de passer par une campagne de financement participatif ou crowdfunding qui se clôture le 3 février dorénavant. On a repoussé un tout petit peu la date pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté afin d'obtenir peut-être, nous l'espérons, 6 000 euros. Ouais, c'est l'objectif. Hein. En tout cas, c'est l'objectif vraiment ultime pour financer une grande partie de cette première édition et puis une petite partie d'une seconde édition. Sans doute. C'est un mode de financement qui est très spécifique dans le sens où tout euro donné par le citoyen est abondé dans un premier temps par les banques, en l'occurrence deux banques en particulier, Caisse d'épargne et Crédit Mutuel, et par la région Centre-Val de Loire. Abondé, c'est-à-dire ? Ça veut dire compléter. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, si vous donnez 10 euros, eh bien votre don est doublé grâce à la région Centre-Val de Loire. Ok. Ah ouais, c'est le moment, c'est comme là. Si c'est vous donniez 20 euros. Donc là, c'est le moment où il faut aller contribuer pour soutenir et doubler vos dons. Par contre, c'est le moment de le faire parce que j'imagine que ce n'est pas ad vitam aeternam, cette abondance. Hein. Non, c'est ça. C'est pareil. Comme pour les banques, c'est dans la limite d'un certain montant. D'accord. C'est comme pour le Téléthon, quand on pédale, on sait qu'à un moment donné, c'est plus la banque qui finance, c'est celui qui pédale. Oui. Ok. Puis alors, c'est crucial quand même, parce que vous m'expliquiez que s'il n'y avait pas 75% des fonds qui étaient récupérés, vous perdez la cagnotte intégrale. En fait, ça fonctionne un peu comme tous les crowdfunding, c'est-à-dire que si on atteint les 75% de l'objectif, donc là, par rapport à 6 000, on se retrouve à 4 500, on ne débloque pas les fonds déjà récoltés actuellement, donc les gens récupéreront leur argent et nous, on se retrouvera sans rien. Sans projet. Sans projet. Pardon. Est-ce que c'est bien parti? Ça évolue? Actuellement, on est à 53%. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on se laisse une semaine de plus pour essayer de donner encore plus envie aux gens de participer, de contribuer. Il faut savoir qu'à chaque don, il est possible en fait, d'avoir une contrepartie. C'est-à-dire, imaginons, vous donnez 50 euros. La contrepartie, c'est que vous êtes invité à une visite de la Villa Rabelais, commentée avec une dégustation. Ou pour 75 euros, il me semble, vous êtes invité à une soirée jeu de société animée par Solène et moi. Voilà. Donc, il y a plein de petites contreparties qu'on vous invite à aller découvrir sur le site d'Effervescence. Voilà, c'est une manière de remercier tous les soutiens que nous avons. C'est également sur le site Effervescence qu'on voit la petite vidéo que vous avez réalisée pour présenter le projet. Oui, c'est ça. En fait, vous pouvez aller sur effervescence-centreval-de-loire.org et là, vous avez accès à tout ce qui concerne notre projet. Donc, le clip de présentation. Oui, je trouve qu'il est très bien fait parce que ça donne vraiment une idée concrète de votre projet. Parce que là, on en parle évidemment, mais c'est vraiment de visualiser les choses, c'est sympa aussi. Et c'est là aussi qu'on peut faire le don. C'est ça, tout à fait. Choisir votre contrepartie. Voilà. Alors, il faut créer un compte, mais c'est très, très simple. Et puis après, vous pouvez choisir aussi votre mode de paiement. C'est plutôt ergonomique, simple d'accès. Voilà. Et puis au pire, vous pouvez nous appeler. C'est l'occasion de faire connaissance. Qu'est-ce que vous attendez comme impact après Éco-Gourmand sur le quartier des Fontaines et sur les relations intergénérationnelles à long terme ? C'est quoi l'ambition après tout ça ? Le but ultime du projet, c'est vraiment que les partenaires n'aient plus besoin de nous pour mener ce type de projet. Parce que là, ce qu'on permet, c'est aussi qu'ils se connaissent réellement, qu'ils apprennent à travailler ensemble, pour qu'ils connaissent chacun les problématiques des uns et des autres, et que les échanges vraiment entre habitants, résidents et élèves se fassent naturellement, qu'ils aillent vers l'un vers l'autre sans nous, sans qu'il y ait besoin qu'on les emmène à des ateliers ou autres. Bah, c'est déjà chose faite, non peut-être pas, mais c'est vrai que l'école, en tout cas, a déjà invité plusieurs résidents de l'EHPAD à participer à une journée jeux de société. Enfin voilà, il y a déjà des petites prémices. Choses qui se mettent en place. Ouais. On voit qu'ils commencent un peu à échanger, et oui, mais on repartirait sur une deuxième édition. Et après, l'avenir nous le dira après. Eh ben écoutez les filles, en tout cas, on est ravis de vous avoir accueillies aujourd'hui pour nous parler de ce magnifique projet. On rappelle encore une dernière fois comment on fait pour vous aider. Oui, on va sur effervescence-centreval-de-loire.org et on contribue et on choisit une super contrepartie. Eh ben super. Merci beaucoup Solène, merci beaucoup Inès. On vous souhaite un super projet, on souhaite que tout se déroule au mieux pour vous, mais on n'en a aucun doute parce qu'il y a déjà des beaux souvenirs, des belles anecdotes qui se dessinent et on est sûr que ça va continuer dans ce sens. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui dans merci le studio. Merci à toi. Merci beaucoup Marlène. C'est la fin de ce mag. Eh bien, vous pouvez le retrouver en podcast, figurez-vous, sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Bonne soirée à tous. Sommeil, ton beau domaine, le laisses-tu à cette moute en rade.